million dollar. Et grâce à la zone, et grâce à la zone, moi c'est pas des lala. Ça fait million dollar. Et grâce à la zone, et grâce à la zone, ce soir on va picoler. Tous danser, tous rigoler. Non, non, c'est pas des lala. Tranquille, faut pas s'affoler.